la vie régulièrement. Non, je ne suis pas systématique, mais mes journées se ressemblent de temps en temps. Non, je ne suis pas angélique, mais je sais me donner un air innocent. Non, je ne suis pas utopiste, mais il me plairait que l'amour soit complaisant. Pourquoi y aurait-il un sens à tout? La plus triste, mais parfois les larmes coulent sensiblement. Non, je ne suis pas ta favorite, mais j'espère me dire qu'avec le temps, on peut faire taire ces stéréotypes, les envoyer en l'air comme le vent. Pourquoi y aurait-il un sens à tout?